Chapitre 12e, la femme et le maître. Là, Paulin Broquet descendit de voiture et fit quelques pas sur le trottoir. Il aperçut un homme qui sonnait à la porte de la maison de la belle madame Garitsa et pénétrait peu après dans l'immeuble. Il attendit quelques minutes et à son tour vint appuyer sur le bouton d'appel. On lui ouvrit presque aussitôt. Il pénétra dans la maison et lança le nom d'un des locataires dont la mort lui avait fourni la liste en passant devant la loge du concierge. Puis il monta l'escalier. Au-dessus de lui, le bruit d'une porte qui se ferme doucement se fit entendre. Il lui sembla que c'était une porte du troisième étage. Or, Madame Garitsa demeurait au troisième étage. Cela eût pu paraître singulier, mais il y avait à chaque étage deux appartements donnant sur le même palier. C'était donc, puisque Madame Garitsa se trouvait encore avec le colonel au café de la rue Royale, la porte de l'appartement voisin de celui de la jeune femme qui se fermait. Toutefois, avec précaution, il fit l'ascension de l'escalier. Il se trouva devant la porte de Madame Garitsa. Il écouta. Aucun bruit suspect ne parvint jusqu'à lui. Alors, avec son merveilleux appareil, il commença à travailler la serrure si adroitement, si doucement, que la gâchette passa sans faire entendre le moindre déclic, la plus petite résonance de métal. Peu après, il pénétrait dans l'appartement. Il ne s'y engageait toutefois pas au hasard et ne courait pas le risque de se heurter au meuble. Dans l'antichambre, en effet, une petite veilleuse à essence se trouvait en permanence quand Madame Garitsa sortait. Paulin Broquet put donc se diriger à coup sûr. En face de lui, une porte entr'ouverte laissait voir une assez grande pièce, qui, à la lueur venant des deux croisées, lui semblait être le salon. Paulin Broquet s'y aventura. Il pénétra dans le salon et éprouva aussitôt une poignante surprise. À droite, au fond de la pièce, près de l'une des deux croisées, une porte, celle de la chambre à coucher, était grande ouverte. De l'endroit où Paulin Broquet se trouvait, on pouvait apercevoir, à travers cette porte, une des deux croisées éclairant également la chambre à coucher. Devant cette croisée, près de la porte, en noir, se détachait nettement dans la clarté du dehors la silhouette d'un homme. Paulin Broquet comprit alors que ses oreilles exercées ne l'avaient pas trahi tout à l'heure. C'était là l'homme qu'il avait entendu entrer au troisième étage. Cet homme était donc entré chez Madame Garitsa. Peut-être, à ce moment, sous le coup de la surprise, Paulin Broquet fit-il un mouvement involontaire, produisit-il un craquement dans le plancher, car l'homme se retourna de son côté. « Vous ? » fit-il. Paulin Broquet ne bougea pas, il attendit. Cette minute était angoissante au plus haut point. Quel drame inattendu allait ici tout à coup se dérouler ? Paulin Broquet, pour que la lueur de ses yeux ne le trahît point, pour que sa respiration haletante ne fût point percée, abaissa ses paupières à demi et retint son souffle. Était-il au surplus protégé suffisamment par l'ombre? En entrant, il avait fermé haut son pardessus pour cacher son plastron, son col, sa cravate. Était-il noir dans le noir? Sans doute, car l'homme, n'entendant plus rien, ne voyant rien, assurément se retourna, reprit sa position première et se mit de nouveau à regarder dans la rue à travers les rideaux de la croisée. Sa silhouette se détacha encore comme une magnifique ombre chinoise. Qui était cet homme ayant le droit de pénétrer aussi facilement chez Madame Garitsa? Un amant, puisqu'il avait la clé, et que sa présence vraisemblablement ne devait pas causer grande surprise. On prêtait en effet autrefois à celle qui aujourd'hui était Madame Garitsa quelques aventures amoureuses. Pourquoi cet homme se tenait-il ainsi dans l'ombre, à la croisée? Sans doute, pensa Paulin Broquet, pour guetter le retour de sa maîtresse. Paulin Broquet d'ailleurs ne s'amusa pas en ce moment à répondre à ces questions. Il avait vu dans le coin du salon une grande draperie japonaise formant un panneau tombant du plafond au parquet. Avec des pas feutrés comme ceux d'un chat, il gagna cette tapisserie et parvint à se cacher derrière elle. Paulin Broquet s'en doutait. Elle masquait une porte condamnée qui, fort heureusement, formait un retrait comme une niche, un réduit. Donc il trouva là un abri confortable autant que possible. Il attendit, absolument contrarié d'être gêné dans l'exécution de son plan par cet homme inattendu, et pressentant qu'il lui faudrait attendre de longues heures probablement, et redoutant que, vraisemblablement, il ne lui resterait ce soir plus rien à faire. Cette tapisserie du Japon était en soi assez épaisse, mais quelque peu endommagée par endroits, la toile usée laissait des jours que Paulin Broquet pouvait distinguer, quoiqu'en réalité ils fussent assez petits. Mais c'était assez cependant pour que par ces menus fentes d'usure, le regard de Paulin Broquet put passer. Le détective, qui sans bruit, sans bouger presque, s'était installé derrière ses toiles pour passer des heures terribles, pensa tout à coup que son supplice serait moins long peut-être qu'il ne l'imaginait. Une clé grinça dans la serrure de la porte d'entrée. « On vient, » se dit-il. « C'est Madame Garitza qui rentre. Je vais enfin savoir. » Le bruit de la serrure fut perçu par l'homme aux aguets en même temps que par Paulin Broquet. L'homme abandonna la croisée sur laquelle sa silhouette se détachait si nettement. Avec précaution, des mouvements de félin, il s'avança jusqu'à la porte du salon. Sans doute il voulait voir qui entrait dans l'appartement, s'assurer que c'était naturellement Madame Garitza, qu'elle était seule. Madame Garitza, qui entrait chez elle, seule, ne se doutait pas des deux singuliers hôtes que recelaient son salon et sa chambre à coucher. Confiante, heureuse, elle chantonnait. Dans l'antichambre, elle baissa la veilleuse, mais en entrant dans le salon, elle tourna le bouton électrique et alluma une ampoule du lustre en cristal accrochée au milieu du plafond. Puis elle commença à se défaire. Elle enleva ses longues épingles piquées dans ses cheveux blonds et retira son chapeau qu'elle déposa machinalement sur les partitions empilées sur le piano. Le piano était ouvert, ayant seulement sur les touches une bande de soie brodée et ouatée. Madame Garitza, de la main gauche, souleva le garde-touche et de la droite se mit doucement à chercher l'air qu'elle chantonnait en entrant. « Bravo, bravo, charmant !» dit une voix derrière elle. Effrayée, Madame Garitza poussa un cri en se retournant. À l'autre bout du salon, dans un profond fauteuil, un homme en habit, d'une élégance parfaite, d'une correction absolue, était assis. Il souriait, en heurtant doucement le bout de ses doigts, comme pour applaudir. « Vous, vous ?» s'écria enfin la jeune femme. « Oui, ma chère, c'est moi. Ainsi donc que je ne vous trouble pas, continuez. C'est charmant, ce morceau. Est-ce de la composition du colonel ?» Paulin Broquet, derrière sa draperie, entendait admirablement. Il voyait même par les fentes de la soie l'homme dans son fauteuil, souriant, et il apercevait par moments les éclairs fauves, les lueurs vertes de ses yeux railleurs. Ce rayonnement vert et le timbre de la voix lui révélèrent tout de suite qui était cet homme. « Lui !» fit-il en tressaillant. Comme tout à l'heure, Madame Garitza s'était écriée, affolée, « Vous !» L'homme reprit. « Voyons, ma chère amie, remettez-vous. Ne vous troublez pas ainsi. C'est à croire que je vous fais peur, ce qui me chagrinerait, ou que vous n'avez pas la conscience tranquille, ce dont je serais inquiet. » Mais Madame Garitza ne revenait pas à son piano. « Peut-être bien aussi, » ajouta l'homme, « est-il trop tard pour faire de la musique? Laissons donc le piano. » Il indiqua un fauteuil de la main. « Asseyez-vous, nous avons à causer sérieusement. » Madame Garitza n'attendait probablement que cet invite pour s'asseoir dans le fauteuil, où elle s'écroula véritablement, les jambes fauchées par l'émotion. Brusquement, changeant de ton, l'homme demanda « Eh bien, l'avez-vous enfin ?»« Quoi donc, maître ?» fit toute tremblante la jeune femme. « Ce que je vous ai demandé, ce que vous deviez me remettre le plus tôt possible. » Madame Garitza balbutia « Pas encore. » L'homme se leva d'un bond. « Comment, pas encore ? » s'écria-t-il furieux. « Comment ? Pas encore ? Pourquoi ce retard ? Pourquoi ? » ?»« Je n'ai pas pu le prendre. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas voulu vous en emparer. Je vous jure, j'ai dit. » Madame Garitza se tut et joignant les mains, courbant la tête, le cœur battant à tout rompre, le cerveau en feu, des larmes brûlant ses paupières, elle attendit, fatalement résignée, le choc de l'ouragan qu'elle pressentait. De son côté, Paulin Broquet, derrière la tapisserie, éprouvait une émotion intense, une angoisse poignante. Il voyait cet homme, il l'avait en face de lui à quatre pas. Sur le blanc de la porte, sa silhouette se découpait comme une cible admirable, et il semblait à Paulin Broquet que dans sa propre poche, son revolver, qui déjà avait fait connaissance avec cet homme, pesait un peu plus, s'échauffait, se rappelait à son souvenir, lui demandait de prendre, ici, à coup sûr, la revanche de l'équipé fantastique du tunnel de Bonnière. Machinalement, Paulin Broquet avait posé la main sur la crosse du revolver comme pour le saisir, répondre à cet appel, ou lui dire de rester tranquille encore une fois. Certes, ce soir, Paulin Broquet n'eût pas manqué cet homme. Il l'a battu à coup sûr. Mais la loi, oui, la loi elle-même, défendait aux détectives, aux serviteurs de la justice, de rendre ici, d'un coup, service à la justice. Le règlement, dont il était le fidèle observateur, défendait, si invraisemblable que cela parût, si illogique que cela fût, défendait absolument à Paulin Broquet de débarrasser de cette façon, nettement pratique, la société attaquée d'un bandit pareil. Il devait l'arrêter, soit le tuer, non. Paulin Broquet alors résolut de suivre cette scène jusqu'au bout, laissant cet homme, qui ne se doutait pas que la mort était là, près de lui, ce bandit voué à la justice et sous l'acte de la loi, jouer son rôle impitoyable. Mais en même temps que le souvenir du règlement, devant lequel loyalement Paulin Broquet devait s'incliner, un curieux et anxieux problème se posait à l'esprit du détective et contribuait à retenir sa main. Cet homme, se demandait Paulin Broquet, était-ce lui ou n'était-ce pas lui? Était-ce en réalité Zigomard? Zigomard ou pas Zigomard? Telle était la question qui contribuait à sauvegarder la vie de cet homme. Paulin Broquet se rappelait les diverses circonstances dans lesquelles il avait rencontré cet homme. La dernière, la plus caractéristique, se présentait à sa mémoire de la façon la plus obsédante. Dans le train, quand Simonet et ses deux amis gagnaient l'Angleterre avec les documents précieux, Paulin Broquet, au cours de son duel avec cet homme, avait, comme ce soir, comme maintenant, parfaitement reconnu les yeux à leur lueur verte d'yeux de fauve. Alors il n'avait pas douté un seul instant qu'il fût en présence de son ennemi. Il avait reconnu sous la cagoule les yeux d'abord, la silhouette, l'allure, puis la voix de Zigomard. Zigomard avait tiré sur lui, et lui, en état de légitime défense, couvert par le fameux règlement, avait répondu coup pour coup. Son revolver, impatient en ce moment, avait atteint cet homme. Le toit du wagon emportait l'épouvantable témoignage, et la voûte du tunnel, la cagoule ensanglantée, en fournissait une seconde preuve. Cependant, le lendemain matin, quelques heures à peine par conséquent après ce drame, Paulin Broquet avait, au bois de Boulogne, rencontré, frais, souriant, absolument indemne, l'homme qu'il avait si cruellement blessé. Il l'avait retrouvé aussi fringant que jamais, et il avait saisi au passage l'éclat railleur de ses yeux aux lueurs vertes. Il avait vu le pli malicieux de sa bouche sous la moustache brune de Don Isigo, et la belle Pepa d'Ortega elle-même l'avait gratifié d'un sourire qui, pour tout autre, eût été un enchantement, mais dont il avait, lui, compris la cruelle ironie. Zigomard, ce merveilleux protée, avait-il en outre le pouvoir de se dédoubler? Ou bien s'était-il rencontré un homme qui pût ainsi donner le change par une extraordinaire et fantastique ressemblance? Évidemment, le logique et pratique moyen de s'en rendre compte facilement était d'abattre cet homme, ce Zigomard-ci. De cette façon, Paulin Broquet aurait bien vu s'il y avait un autre Zigomard. Mais la loi était là, le règlement, qui liait les mains du serviteur de la justice. Et Paulin Broquet dut simplement se contenter de voir, d'écouter, d'attendre encore. Madame Garitsa, donc, courbée, accablée dans son fauteuil, s'apprêtait à subir les assauts de l'orage, les coups de l'ouragan qu'était cet homme. Mais après ce mouvement de colère qui d'un bond avait fait se dresser sur ses pieds Zigomard, le maître, loin de se laisser aller à un nouvel éclat de violence, se mit à parler sur un ton absolument calme, d'une voix tranquille, posée. Et même Paulin Broquet put retrouver, sous la moustache noire, ce sourire cruel, railleur, rappelant le rire silencieux du tigre, précédant le coup de patte dont sera assommée la proie, le coup de dent qui va briser ses os et déchirer ses chairs pantelantes. « Mes chers amis, commença Zigomard, il n'est pas dans mes habitudes de laisser les gens, quels qu'ils soient, se moquer longtemps de moi. Vous le savez, n'est-ce pas ?»« Répondez, vous le savez. »« Oui, maître. »« Vous l'avez oublié. » »« Répondez, vous l'avez oublié. » »« Non, maître. » »« Alors votre conduite est sans excuse. » »« Elle mérite toute ma rigueur. » « Maître, je vous jure que je n'ai pas pu. »« J'ai dit toute ma rigueur. » Zigomard se tut pendant quelques secondes. Sur le même ton sec, calme, il reprit ensuite. « Ah ça! Pensez-vous que ce soit uniquement pour faire de la musique et filer le parfait amour que nous vous avons placé auprès du colonel? Je vous ai déjà prévenu. Vous auriez dû tenir compte de mes observations. » « Maître, voulut encore une fois dire la jeune femme, maître, laissez-moi vous expliquer. » Alors même que j'eusse voulu me conformer à vos instructions, vous livrer la pièce que vous réclamez, cela m'eût été absolument impossible. Pourquoi ? La pièce n'a jamais été chez le colonel. Vous m'étonnez fort. Les essais ont lieu depuis plusieurs jours. Vous-même, tout comme moi, comme mes constructeurs, y avez assisté. Vous étiez d'ailleurs charmante. Sur un fond de verdure ensoleillé, assise sur votre chaise de toile, sous votre ombrelle. Et une fois de plus, j'ai compris la séduction que vous opérez par votre grâce. J'ai compris parfaitement l'affolement du colonel. Et une fois de plus, J'ai vu que vous deviez pour nous, pour moi, le maître, faire usage du pouvoir de votre charme. Une fois de plus, je vous répète que vous êtes sans excuse de ne pas m'obéir plus vite, maître. J'ai dit. Depuis plusieurs jours donc, les essais ont lieu, et le colonel de Fongrive, qui est chargé des rapports, doit avoir chez lui le dossier complet du DR. Non, maître. Il est impossible qu'il en soit autrement. Je ne vous demande pas de me livrer tout le dossier, mais seulement les notes de fabrication, les plans du DR. Vous deviez me les donner. Après la copie faite pour moi, la photographie prise de ces pièces, vous auriez remis le tout en place et sans que ce brave colonel eût pu se douter de quoi que ce fût. Vous eussiez continué à charmer ses oreilles d'artilleur mélomane par votre talent de musicienne et à griser ses yeux amoureux par votre grâce délicieuse. Cela jusqu'au point où le colonel et vous l'eussiez voulu, cela indéfiniment, puisque nous vous placions à demeure dans l'armée française. Libre à vous d'épouser alors le colonel que vous aimez tant, et vous le rend avantageusement, car je vous eusse donné les papiers nécessaires, les pièces indispensables pour prouver que vous étiez réellement la digne et méritante Madame Garitsa, et pour confondre absolument tous ceux qui eussent été tentés de soulever un coin de votre passé mouvementé. Zygomar se tut encore quelques secondes, puis, faisant un pas vers la malheureuse jeune femme, il reprit sur un ton conciliant. « Voyons, cher ami, entre nous, tout n'est pas perdu, tout peut s'arranger. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour vous. Maintes fois, en vous tirant des griffes de la police de diverses nations, je vous ai prouvé l'intérêt que je vous portais. À la rigueur, je pourrais me passer de votre concours, pénétrer moi-même chez le colonel. Mais parmi l'amoncellement de documents, il me faudrait choisir. Ce serait long. Je pourrais faire erreur, tandis que vous, c'est à coup sûr et promptement que vous prendrez la pièce dont le colonel vous a maintes fois donné connaissance, puisqu'il aime travailler quand vous êtes à ses côtés. En résumé, les essais du DR vont se poursuivre pendant 2 jours encore. Vous avez par conséquent le temps de réparer votre négligence. Après-demain donc, à la même heure, vous voudrez bien m'attendre ici avec les documents. J'ai dit. Mais Madame Garitsa, à ce moment, releva la tête. Madame Garitsa semblait accablée, anéantie, broyée, sous le poids formidable de cet homme infernal. La figure bouleversée, crispée nerveusement, ses yeux pleins de larmes, changeaient l'expression de sa beauté, lui donnaient un charme spécial et inattendu. Dans ses yeux noyés, une étrange lueur brillait. D'une voix qui tremblait, et qu'il voulait cependant rendre ferme, elle dit « Maître, pour la première fois, je ne puis me plier à vos ordres. » Zygomar tressaillit. Ses yeux eurent les lueurs des yeux de fauve, et sa bouche se contracta en une sorte de sourire rappelant la forme de la bouche du tigre quand il va mordre. « Je ne puis, » dit encore Madame Garitsa, « je ne puis. »« Savez-vous ce que méritent ces paroles insensées ? » dit alors Zygomar. « Le savez-vous ? » ?»« Je le sais. » »« Et vous persistez ? » ?»« Oui, maître, pourquoi ? » ?»« Parce que si je vous obéissais, le colonel, sur qui repose en ce moment tout l'espoir de sa nation, qui tient en main sous sa garde la responsabilité de l'arme dont la valeur, l'ingéniosité font de l'artillerie française la première artillerie du monde, assure la sécurité, le triomphe de sa patrie, si je vous obéissais, si je vous livrais cela, le colonel de Fongrive serait accusé de trahison, déshonoré, il n'aurait plus qu'à mourir, dans une honte d'autant plus odieuse qu'elle serait imméritée. Zygomar souriait toujours de son sourire de fauve. Madame Garitsa reprit. « Je ne vous obéirai donc pas, parce que j'aime mieux subir votre colère que voir le colonel accablé, malheureux et haï par son pays. Vous l'aimez donc réellement, votre colonel ? Vous en avez la preuve. Bien, tant mieux. Dans ce cas, ma chère amie, si après-demain, à la même heure, je n'ai pas les documents, le colonel que vous adorez sera irrévocablement perdu pour vous. Il sera en même temps ce colonel à qui il a confié son cœur, car il vous aime peut-être plus fortement que vous ne l'aimez, vous. Vous êtes vous, son réel, son premier sincère amour, tandis que lui, entre nous, ma chère, n'est pas précisément le premier dans la liste de vos conquêtes. Il sera en même temps ce colonel, assumant sur lui l'espoir de sa patrie, à qui l'Allemagne doit le secret des fortifications maritimes de Toulon. Madame Garitsa répliqua. Oui, il saura tout cela, et bien d'autres choses encore. Mais il saura aussi pourquoi on lui apprend tout cela. Oui, il méprisera, je le sais, la femme que j'étais avant d'être auprès de lui, avant de le rencontrer, avant de l'aimer. Mais il aura pitié sans doute de celle qu'il aime, qu'il a aimée aussi, de celle qui a brisé sa vie, pour ne pas trister sa vie à lui, de la femme qui lui a prouvé son amour en se sacrifiant elle, pour ne pas ternir son honneur de soldat. Sa pitié me suffira, maître, sa pitié. »